Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur, et j'habite le meilleur village du monde entier. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il regorge de légendes géniales. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende du puits sans souhait. Il existe un vieux puits, scellé par une grosse grille de métal qui évite qu'on tombe dedans. Personne n'y jette jamais de pièces parce que ce puits-là n'est pas du genre à exaucer les souhaits. Non, il a une toute autre utilité. Parfois, quand il n'y a pas un ça, des gens tout frissonnants et grimaçants s'en approchent. Après être bien sûr que personne ne les épie, ils prennent une grande inspiration, se penchent au-dessus du puits et hurlent à plein poumon des mots que seul le puits peut entendre, avant de repartir le cœur lévé en s'entonnant. Pourquoi? Parce que si ce vieux puits n'exauce pas les souhaits, c'est un vrai glouton qui dévore les très grosses peurs de ceux qui osent les exprimer. Et c'est pour ça que les gens par ces bois sont si souriants.